Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuna salimia kila mmoja wenu mujina Bwana Yesu Kristo. Ça fait du bien à un chrétien. Iko na mfanya mzuri mu Kristo d'être dans la présence de Dieu. Kuwa muwepo wa Mungu. Quelqu'un qui a déjà expérimenté des choses surnaturelles dans sa vie. Ule mtu anesha onja bitu ya kimungu mu maisha yake. Il aimera toujours rester dans la présence de Dieu. Atapenda kila wakati kubakia muwepo wa Bwana Mungu. Parce qu'il se sentira très bien. Kwani mule atajisikia mumuzuri. Mais quand quelqu'un n'a jamais été dans la présence du Seigneur, alakini kama mtu yeye alikufika muwepo wa Bwana Mungu, la prière est un travail pénible. Maombi kwake ni kazi ya nguvu sana. Et des fois il ne tire aucun profit. Na kila mara hawezi kupata faida hata kimoja. C'est pourquoi les hommes charnels n'aiment pas prier. Joko maana batu ya kimwili boa bapendake maombi. Nous voulons encore insister ce soir. Tunapenda tena kuweka mkazo mangaribi ya leo. Chaque jour songez à amener vos masques. Kila siku mkumbuke kubeba mamaske yenu. Et lavez-vous les mains avant d'entrer dans l'église. Na munawe kumikono mbele ya kuingia mkanisa. Ne soyez pas étonnés si on vous retourne à la maison lorsque tu n'as pas de masque. Ushishituke wakati ile tutakurudisha kumlango kama una na maske. Alors faites un effort pour mettre votre masque soit dans votre sac ou dans votre Bible. Mufanye nguvu yenu, muweke mamaske yenu, wala mumasakoshi, wala mumabiblia yenu. Nous ne voulons plus voir des frères ou des sœurs qui viennent sans masque avec une raison pour dire ils ont oublié. Atupente tena kona banduku na badada kuya bila maske na kusema sema miri isabu. Alors, retenez cela une fois pour toutes. Umbe, mubambe ile mara moja tu. Et cela va nous faciliter le travail. Na ile itatusaidia kazi mzuri. Levons-nous pour la prière. Tulamuke juu ya maombi. Pour la lecture de la parole. Na juu ya kusoma neno la Mungu. Seigneur, merci. Bwana asante. Pour cette réunion de prière qui a été organisée aujourd'hui. Juu ya mkusanyiko ya maombi iliyotengenezwa leo. Nous te bénissons pour toutes les exhortations qui ont été données. Tunakushukuru juu ya masubutisho yote ililetwa. Nous t'invitons, Seigneur, dans notre vie. Tunakualika Bwana mu maisha yetu. Les prédicateurs peuvent parler. Mubiri anawezi kusema. Mais si le Saint-Esprit n'intervient pas, alakini kama Roho Mtakatifu asisaidie, certainement rien ne peut se faire en nous. Hakika kuna kitu kitawezekana ndani yetu. Toi qui es l'auteur de la vie éternelle, wewe mwenyewe mwanzishi wa uzima wa milele, toi qui as conçu le plan du salut, wewe ndio ulitunga mapu ya wokovu, c'est toi qui l'as accompli au bois du calvaire dans ta chair, wewe ndio ulitimiza kumtia msalaba mu mwili yako, c'est toi par le Saint-Esprit, par la parole, tu la réalises en nous. Niwe kupitia Roho Mtakatifu na neno lako inaitimiza ndani yetu. Viens Seigneur. Ukuje Bwana. Accomplis ta volonté en nous. Utimize mapenzi yako ndani yetu. Et ton objectif sera atteint. Na kifukuzio yako itafikwa. Parmi nous. Katikati yetu. Pendant ces derniers jours. Mui wakati ya mwisho. Où tous les signes annoncent ton retour imminent. Mule maalama yote kunatangaza kurudi kwako kunakaribia. Aide-nous Seigneur. Utusaidie Bwana Mungu. À vivre une vie sanctifiée. Tupate kuishi maisha takatifu. À nous débarrasser de tout fardeau de cœur. Tuachane na miziko yote ya moyo. Parce que s'il y a de la condamnation en nous, kwani kama ndani yetu muko hukumu, cela témoigne un péché quelque part. Iko na shuhudia zambi fulani. Et toi tu ne viendras pas nous prendre avec des péchés. Na wewe hawezi kwa kutuchugua na zambi. Merci Seigneur. Asante Bwana Mungu. Accomplis ton œuvre en nous. Utimize kazi yako ndani yetu. Et sois miséricordieux. Na utushikirie buluma. Sur chacun de nous. Kila mmoja wetu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki kila nduku na kila dada. Exauce la prière qui t'a été adressée. Ukubali maombi ile alikuomba hapa. Souviens-toi des rétrogrades. Ukumbuke bale bakurudi nyuma. Et sanctifie-nous, Seigneur. Na ututakase Bwana. Bénis ta parole que nous allons lire. Ubariki neno lako ile tutasoma. Je deviens à la fin soit honoré. Mwanjo na mwisho uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Daniel chapitre 9. Danieli sura yake ya kenda. Verset 23. Mustari ya makumi mbili na tatu. Lorsque tu as commencé à prier, wakati ulianza kuomba, la parole est sortie. Neno ilitoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na mina kuja ni kupate kutangazia hiyo. Car tu es un bien-aimé. Kwani uko mpendwa. Sois attentif à la parole. Upate kuteka sikio kuneno. Et comprends la vision. Na upate kuelewa ono. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Majuma makumi saba iliwekwa juu ya taifa yako. Ta ville sainte. Na yulu ya mji yako takatifu. Pour faire cesser les transgressions. Juu ya kushimamisha uovu. Et mettre fin au péché. Na kumaliza zambi. Pour expier l'iniquité. Juu ya kuondoa uovu. Et amener la justice éternelle. Na juu ya kuleta uhaki wa milele. Pour sceller la vision et les prophètes. Juu ya kutia muhuri ono na nabii. Et pour oindre les saints des saints. Na juu ya kupaka mafuta mutakatifu wa batakatifu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Nous avons fait hier une parenthèse très importante. Jana tulifungua mkato ya mafaa kabisa. Qui va nous aider aussi plus tard. Il est à tusaidia baadaye. Dans notre enseignement. Mu mafundisho yetu. Comme nous l'avons déjà dit que les 70 semaines de Daniel parle du salut d'Israël. Kwa vile tunesha isema ya kwamba majuma makumi saba iko nasemea yulu ya wokovu ya Israeli. Et de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Na inasemea tena yulu ya kujengulula kwa mji ya Yerusalema. Mais pour les nations. Alakini kwa mataifa. Les 70 semaines de Daniel constituent un calendrier exact. Kuba mataifa majuma makumi saba ya Danieli yo iko tu ni kalenda yenye kueneana. L'Odyssée dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ya kizazi ya Laodikia mule tukunaishi leo. C'est pourquoi nous tenons à en parler. Joko mana tunachukua ile busita kuisema. Parce que dans notre cœur nous croyons aussi. Jumu moyo wetu tunaamini tena ya kwamba que le retour du Seigneur est imminent. Ya kwamba kurudi kwa Bwana kuko karibu. Nous croyons tous que nous vivons dans les derniers âges. Shibote tunaamini ya kwamba tuko naishi mukizazi ya mwisho. L'âge qui précède le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Kizazi kile kinatangulia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. À la fin duquel l'époux des nations kumwisho yayo doit être enlevé. Bibi arusi wa mataifa atanyanyuliwa. Tout véritable croyant c'est cela. Mwamini wote wa kweli anajua vile. Et même sa conscience en rend témoignage. Hata zamiri yake inamshuhudia. Et dans cet âge dans lequel nous vivons, mui kizazi mule tuko naishi, tous les mystères cachés comme l'avons déjà dit, masiri yote yenye kufichama vile tulikuwa tunaisha sema, ce n'était pas caché dans les livres théologiques. Haikufichwe mu vitabu ya kufunza Mungu. Ce n'était pas caché dans les têtes des évêques et des archevêques. Haikuwa yenye kufichwa mu vichwa ya baskofu na baskofu bakubwa. Ce n'était pas caché dans les doctrines des dénominations. Haikufichwe mu mafundisho ya msingi ya madhehebu hapana. Les mystères qui étaient cachés dans cette génération. Masiri ile rifichama mu kizazi. Les mystères qui devaient être dévoilés dans cette génération, c'était des mystères cachés dans les pages de toute la Bible. Et ces mystères qui sont cachés ou qui étaient cachés dans les pages de la Bible devraient être révélés dans cet stade de la Odyssée avant le départ de l'Église. Masiri ile rifichwa ndani ya makaratasi ya Biblia ilipashi kufunuliwa mu kizazi ya Laodikia. Avant que l'épouse de Jésus-Christ soit enlevée, mbele ya bibi ya harusi wa Yesu Kristo anyanyuliwe, tous les mystères de la Bible, masiri yote ya Biblia, devraient être révélés. Baripashi kuifunua. Ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse au chapitre 10, aina kwa bule mufunuo sura 10, Frère Branham a utilisé expressement ces versets. Donc Branham a ritumia waziwazi mustari pour identifier son message. Je vais kutambulisha ujumbe wake. Qui précède le retour du Seigneur? Il est qu'on attendulia kurudi kwa Bwana. Dans Apocalypse 10, dans son verset 7. Mufunuo sura 10 mustari ya 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, alakini mumasiku ya sauti ya malaika wa saba, la voix c'est le message, hii sauti ni ujumbe, quand il sonnerait de la trompette, wakati la tapika parapanda, la trompette c'est l'évangile, parapanda ni jili, le mystère de Dieu s'accomplirait, siri ya Mungu itatimilika, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu, c'est la divinité. Et Frère Branham en a parlé au plusieurs, au pluriel. Parce que c'est dans cet état de la Odyssée que tout ce qui était caché devait s'accomplir. Lorsque nous prenons Daniel au chapitre 8, dans son verset 17, Daniel chapitre 8 verset 17, l'ange dit à Daniel, Malaika akamwambia Danieli, il vint alors près du lieu où j'étais né. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Kwani i ono iniangalia wakati ile itakuwa ya mwisho. Vous voyez, munaona, même quand vous prenez le verset 19, hata il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Akaniambia takufundisha ile itafika kumwisho ya kasirani. Car il y aura un temps marqué pour la fin. Kwani kutakuwa wakati. Et lorsque nous prenons Daniel chapitre 12, tous ces événements qui devaient s'accomplir à la fin, il y a la fin des temps, il y a la fin des âges de l'Église, à la fin de l'âge des âges de l'Église, il y a des événements qui devait s'accomplir, mais à la fin des temps, wakati, il y a aussi des événements qui doivent s'accomplir. Dans Daniel au chapitre 12, sura dans son verset 4, mustari yake ya ine, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, we Daniel, upate kushika msiri maneno, et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Na utie muri kitabu kufika na mwisho ya kati. Alors le liront, na mingi wataisoma, et la connaissance augmentera. Na ufamu itaongezeka. Si vous remarquez aujourd'hui, ukiangalishisha mzuri leo, nous sommes dans un âge de grande connaissance. Tuko mu kizazi kya ufamu munene. Dans son verset 8 à 10, mstari ya munani kufika ya 10, j'entendis mais je ne compris pas. Nikasikia lakini sikuelewe. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Bwana wangu, mwisho ya hivi tutakuwa je? Il répondit, va Daniel. Akaniambia uende Danieli. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Kwani imaneno itakuwa ni siri na yenye kutiwa muhuri kufika na mwisho. Les seront purifiés. Bamingi watasafishwa. Blanchis et éprouvés. Batatakaswa na kuwa safi. Et le méchant feront le mal. Watu waovu wataendelea mbaya. Et aucun des méchants ne comprendra. Hakuna hata muovu mmoja ula ataelewa. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Lakini wale watakuwa na akili wataelewa. Donc chacun de nous doit comprendre. Manake kila mmoja wetu anapaswa kuelewa. Que le temps de la fin. Ya kwamba wakati ya mwisho. Et la fin des âges de l'église. Na mwisho ya vizazi vya kanisa. Renferme beaucoup d'événements. Iko na mambo mingi. Et beaucoup de choses. Na vitu mingi. Qui s'accompliront. Bile vitatimilika. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio ntuku na dada mpendwa. Et lorsque nous sondons, wakati tunachunguza, les écritures de la Bible, maandiko ya Biblia, nous pouvons voir, tunawezi kuona, que notre Seigneur Jésus-Christ, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ne nous dira jamais, hawezi kama kutuambia, l'heure et le jour de sa venue. Siku na saa ya kuja kwake? Non. Hapana. En lisant les saintes écritures, mukusoma maandiko takatifu, nous pouvons voir clairement, tunawezi kuona wazi wazi, que notre Seigneur Jésus-Christ, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ne nous dira pas, hawezi kama kutuambia, le jour, siku, et l'heure de sa venue, na saa ya kuja kwake. Parce que les saintes écritures disent, kwani maandiko takatifu inasema, que personne ne doit les connaître. Ya kwamba kuna hata mtu mmoja ule ataijua. Mais, lakini, comme le Seigneur nous aime, kama vile Bwana anatupenda, il nous annoncera certainement, atatutangazia hakika, les signes précurseurs, maalama ya kutangulia, de sa venue, kuja kwake. Il nous annoncera, atatutangazia, les signes de l'époque ma alama ya nyakati dans lesquels nous vivons, mule tukunaishi, si seulement nous sommes attentifs à ce qu'il nous dit. Ni kama tu tunateka sikio kuile anatuambia. En lisant la Bible, mukusoma Biblia, en sondant les écritures de la Bible, mukuchunguza maandiko ya Biblia, nous voyons que le Seigneur Jésus Christ, tunaona ya kwamba Bwana Yesu Kristo, ne nous dira jamais, hasta tuambia kamwe, le wakati et le jour na sa venue ya kuja kwake. Mais alakini, il nous dira certainement, atatuambia tu hakika, les signes précurseurs de sa venue, maalama ya kutangulia kuja kwake, et les signes annonciateurs de sa venue maalama, dans notre époque, na maalama ya kutangaza kuja kwake, dans notre temps, muwakati yetu, dans notre jour, musiku yetu, dans lequel nous vivons, mule tukunaishi, si seulement, kama tu, nous pouvons saisir cela, tunawezi kuishika. Regardez lorsque nous prenons Matthieu au chapitre 24. Tazameni wakati tukunasoma Mathayo sura makumi mbili na ine. Silengame. Matthieu au chapitre 24. Mathayo sura makumi mbili na ine. Dans son verset 36. Mustari ya makumi tatu na sita. D'abord quand vous prenez, kwanza mkichukua, le verset 32, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Mujifunze kupitia kulinganisha muti, mutini. Dès que ses branches deviennent tendres, kisha tu matawi yake kukomala, kuchipuka, et que le figuier pousse, na mayani yake ikiota, vous savez quel été est proche. Unajua ya kwamba kipo inakaribia. Les figuiers dans la Bible, mutini mu Biblia, a toujours représenté Israël. Kila mara inekalaka ni mfano ya Israeli, wala picha ya Israeli. Et Jésus-Christ dit, na Yesu Kristo anasema, lorsque vous verrez que ces branches deviennent tendres, wakati ile mutaona ya kwamba matawi yake inachipuka, et que les feuilles poussent, na mayani yake naota, vous savez que l'été est proche. Munajua kwamba kipwa inakaribia. Comme nous vous l'avons déjà dit, paka vile tulikuwa tunesha miambia, Israël est le calendrier de l'épouse des nations. Israeli ndio kalendari ya bibi harusi wa mataifa. Lorsque Israël commence à retourner dans sa patrie, wakati ile Israël anaanza kurudia mwinchi yake, lorsque Israël devient une nation, wakati Israël anakuwa inchi mzima, sachez que le retour du Seigneur est proche. Mujue ya kwamba kurudi kwa Bwana kuna karibia. Je vous l'ai dit en vérité. Na miambia kweli kweli. Ok, dans le verset 33. De même, hivyo hivyo, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutaona hivi vitu vyote, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Mujue ya kwamba mwana wa mtu eko karibu na eko pa mlango. De même, hivyo hivyo, quand vous verrez toutes ces choses, wakati mutaona hivi vitu vyote ukaribia, sachez que le fils de l'homme est proche, mujua kwamba mwana wa mtu eko karibu, à la porte, eko pa mulango. Je vous le dis en vérité, na miambia kweli kweli, cette génération ne passera pas, hii kizazi hakitapita kamwe, que tout cela n'arrive, bila hii yote kufika, le ciel et la terre passeront, mbingu na dunia vitapita, mais mes paroles ne passeront point, lakini maneno yangu hayawezi kama kupita. Vous voyez, munaona, ça ce sont les signes, hii ni maalama, qui annoncent que le retour du Seigneur est proche. Ile natangaza kwamba kurudi kwa Bwana kuna karibia. Verset 36. Mstari wa 36. Où c'est qui est du jour et de l'heure? Kwa yenye kuelekea siku na saa, personne ne le sait. Hakuna mtu ula anaijua. Ni les anges des cieux, wala ba malaika ba mbingu, ni le fils, wala mwana, mais le Père seul. Alakini baba peke yake. C'est pour dans les sous. Jo kwa maana mumamiuri. Quand fois mon âme parle, wakati ndugu Branham eko nasema, il dit si quelqu'un vous dit, anasema wakati ile mtu anamiambia, que je connais le jour et l'heure du retour du Seigneur, ya kwamba mimi najua sana siku ya kurudi kwa Bwana, kwa na hakikisho, qu'il est dans l'erreur, ya kwamba ule mtu eko katika kosa. Même dans les sous, hata katika miuri, à l'ouverture du septième sceau, mufungulivu wa muri wa saba, l'heure et le jour, sa na siku, du retour du Seigneur n'a pas été dévoilé. Ya kurudi kwa Bwana hawakuifunue hapana. C'est pourquoi lorsque le septième sceau fut ouvert, kwa maana wakati muri ya saba bali, il y eut un silence dans le ciel. Ulikuwa kimya mumbingu. Il n'y avait aucun mouvement dans le ciel. Amukukwe tendo kutenga hata kumwe. Et le prophète interprète il dit, na nabii anafasilia na kusema, si il y avait un mouvement, kama kulikuwa kutenga hata kiloko, on aurait quelque part où s'accrocher. Tulipashi kwa kuna faje fulani ya kwezi kusimamia, ya kubamba. Mais il n'y avait pas de mouvement. Alakini akukwe kutenka ta kiloko. Un silence total aussi. Kulikuwa tu ni kimya kabisa kabisa kumbingu. Parce que le secret concerne, kwani siri inaelekea, le jour, siku, et l'heure, na saa, du retour du Seigneur, ya kurudi kwa Bwana. Soit tous les frères qui semblent croire au message, banduku bote bale wanawazia kuamini ujumbe, qui affirment qu'ils connaissent les jours, bale bale wanakikisha sema wanajua siku, sont tellement des menteurs. Ni batu tube kuna landa. C'est vrai. Ndia kweli. Dans Matthieu au chapitre 25, Dans son verset 13. Veillez donc. Mukeshe basi. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Connaître les jours ou l'heure du retour du Seigneur n'a pas d'importance pour l'épouse. Ce qui est important pour l'épouse, c'est d'être trouvé prêt. C'est tout. C'est vrai, frère. Donc, personne ne connaîtra cela. Manake, hakuna mutu la tajua siku wala saa. Mais les signes précurseurs, alakini ma alama ya kutangulia kurudi kwake, de sa venue, ya kurudi kwake, seront certainement connus. Ile jo itajulikana. Les signes de l'époque ma alama ya wakati, dans laquelle le Seigneur retourne, mule Bwana Yesu atarudi, seront certainement connus. Dans Luc au chapitre 21, à partir du verset 28, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et lorsque vous prenez, nous allons revenir de l'autre côté. Regardez dans Matthieu 25. Matthieu 24. Matayo sura makumi mbili na ine. Dans son verset 1. Mustari ya kia kwanza. Comme Jésus s'en allait, sawa vile Yesu alikuwa naenda, au sorti du temple, mkutoka mwekalu, ses disciples s'approchèrent, wanafunzi wake wakamkaribia, pour lui en faire remarquer les constructions. Juu ya kumuonesha majengo. Mais il leur dit, alakini akawaambia, voyez-vous tout cela? Munaona hivi vyote hivi? Je vous l'ai dit en vérité. Naniambia kweli kweli. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Hapa, hapa tabakia ribu atari moya yulu ya ribu ingine bila kupomolewa. Il s'assit sur la montagne des oliviers. Akekala yulu ya mulima mizeituni. Et les disciples verts en particulier lui poser cette question. Na wanafunzi wakakuja kwa upekee kumuuliza ulizo. C'est une question à trois sous-questions. Hii ulizo iko na mabipande tatu. Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Utuambie hii itafika ni wakati gani. Dis-nous. Utuambie. Quand arrivera? Itafika wakati gani? Quand arrivera? Itafika wakati gani? La destruction du temple. Kuharibika kwa hekalu, kubomolewa kwa hekalu. C'est la première question. Ile ndio ulizo ya kwanza. Et quel sera le signe de ton avènement? Na, ni maalama kani ya kurudi kwako. Les disciples n'ont pas demandé les jours et l'heure du retour du Seigneur. Wanafunzi hawakuulize siku na saa ya kurudi kwa Bwana. Ils ont demandé le signe. Lakini walimuuliza ni maalama de ton avènement, maalama ya kurudi kwako, et de la fin du monde, na maalama ya mwisho ya dunia. Mais regardez maintenant quand Jésus commence à répondre. Sasa tazameni wakati Yesu aranzo kubajibu. Il dit, il a répondu, akawajibu, prenez garde, musopoke, que personne ne vous séduise. Usikwe mtu hata moya kumilongofya vilanda. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis Christ, qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Avant que Jésus-Christ ne vienne chercher son épouse, il y aura beaucoup de gens qui tomberont dans la séduction. Et qui croiront au faux Christ. C'est pourquoi Jésus nous avertit que plusieurs viendront sous mon nom, pas un seul, mais beaucoup de gens viendront sous le nom de Christ se réclamant Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Ces écritures sont accomplies. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Vous voyez, ça, c'est déjà accompli. Vous voyez, quand vous prenez le verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plusieurs se refroidira. Vous voyez, tout ça, ce sont des signes. Il nous a dit beaucoup de choses. Sur lesquels nous devons veiller afin de nous préparer. Retournons dans Luc au chapitre 21. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une autre comparaison. Voyez les figuiers et tous les autres arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Le suivez très bien, il ne faut pas dormir. Le retour d'Israël en Palestine et la proclamation de son indépendance n'a pas laissé les restes des nations du monde tranquilles. Regardez après cela toutes les nations de la terre qui étaient sous la domination des grandes nations, des grands pays, ont commencé à réclamer leur indépendance. Vous dormez. Le retour d'Israël dispersé parmi d'autres nations dans son propre pays et la déclaration panaméricaine d'Israël comme une nation et la proclamation de son indépendance avait déclaré dans le monde entier un esprit de liberté dans tous les pays du monde. Et chaque pays a commencé à réclamer son indépendance. C'était un signe qui accomplit ce verset. Le verset 29. Voyez les figuiers, c'est Israël. Israël. Et tous les autres arbres, c'est les autres pays. Israël, lui, bourgeonne. Israël est en achipuka. Il rentre dans son pays. En arrivant au Inchiyake, et les autres arbres, les autres pays, commencent à réclamer leur indépendance. Ayo inansa kulomba uhuru yayo. Et quand ce mouvement s'est levé, wakati mandamano ilianza ilamuka, il n'y a aucun pays qui voulait rester en arrière. Akukua inchi ata moye lipenda kubaki nyuma. Tous les pays voulaient être indépendants. Et même les pays colonisateurs ne pouvaient pas résister à ce mouvement de liberté. Pourquoi? Parce que ce sont des signes qui étaient annoncés dans la Bible, qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les signes qui nous annoncent que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. C'est vrai. Même notre pays, c'est à peu près après 12 ans qu'Israël soit réclamé comme pays indépendant et souverain. Après 12 ans, le Congo belge est devenu indépendant. Le retour d'Israël en Palestine a changé beaucoup de choses dans le monde. Le retour d'Israël en Palestine a changé même la politique mondiale. C'est vrai. Est-ce que ce sont les politiciens qui changeaient? Non. C'est le Saint-Esprit qui accomplissait ses promesses pour montrer à l'époux de Jésus-Christ que le retour du Seigneur est imminent. Et quand Israël est proclamé indépendant, les prophètes, les derniers de là de la Odyssée étaient déjà sur le terrain en train de sillonner dans le monde entier proclamant l'évangile. Une coïncidence? Non. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la parole de Dieu qui s'accomplissait. C'était des signes qui annonçaient que le retour de Christ était imminent. Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi l'Écriture dit, dès qu'ils ont poussé, wakati inaota en d'autres termes, dès que vous voyez les pays qui étaient colonisés deviennent indépendants, vous savez vous-même en regardant que déjà le retour du Seigneur est proche. C'est ce qui est écrit là, mais c'est voilé. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est vrai. Ce sont des signes qui réveillent l'épouse. C'est pourquoi Paul, ayant compris cela, il écrit au Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonica wa kwanza sura 5. Il dit ceci au verset 4 à 6. Anasema hivi mustari 4 na 6. Mais vous frères, alakini mwe banduku, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amuna tena katika magiza. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Pour vous qui avez cru le dernier message, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans l'ignorance. Parce que toutes choses vous est enseignées. Toutes choses vous est révélées. Tous les signes vous sont pointés. Vous avez de la connaissance. Vous n'êtes pas comme les autres dénominationnels. Vous n'êtes pas comme les autres nations, les autres païens. Vous avez reçu la grâce de recevoir la lumière du soir, maintenant qui vous éclaire. La parole prophétique vous éclaire. Le message du temps de la fin vous éclaire. C'est-à-dire, vous explique tout qui vous est nécessaire pour voir les signes du retour du Seigneur Jésus-Christ. Le message du temps de la fin qui est proclamé dans là de la Odyssée dévoile tous les signes, inafunua maalama yote, tous les repères, manukuta yote ya kone hapo, les photos indicateurs, les signes rouges, maalama mokundu, de sa venue ya kuja kwake. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amuna tena katika magiza. Parce que vous avez reçu une grande lumière. Tumulipokea nuru munene mkubwa. C'est pourquoi nous avons toujours dit. Kwa maana kila mara tunasemaka. Que nous ne sommes pas comme les autres. Ya kwamba sisi hatuna sawa watu wengine. Nous connaissons toutes choses. Tunajua kila kitu. Frère. Ndoko. Tunayua. Nous connaissons. Na wakati. Même le temps. Mule ambao Biblia rusa tanyanyuliwa. Dans lesquels les pouces seront enlevés. Nous les connaissons. Dieu nous a dit. Mungu alituambia. Kama tu bananza kusonga makanisa. Dès qu'on commence à prêcher les églises. Il inaamini neno la Mungu la kweli. Na bananza kuifungia. Ni mwile wakati ile. Biblia rusa tanyanyuliwa. Me bantu bote abayuwe ile. Enlevé tout le monde. Me wena mitu na yuwa. Ni jutu na amini kumujumbe. Qui est la lumière du temps ou de l'âge. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amuna mumagiza. Dès que vous verrez les femmes portées de haut talon, ce n'est pas la fierté. C'est l'accomplissement de la parole. Waneno la Mungu. C'est un signe indicateur que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Regardez toutes les femmes aujourd'hui, elles sont loin de la civilisation. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans Esaïe au chapitre 3, à partir du verset 16, que les femmes, dans les derniers jours, elles seront orgueilleuses, portant des hauts talons. Peu importe les modèles qui apparaissent. Pour nous c'est un signe. Quand tu sais c'est un alama. Banamuka kuvuara ma pantalon. Les femmes portaient des pantalons. Kuvuara tuputula. Portaient des kilos. Kuvuara tula mata. Portaient des colons. Kuvuara manguo transparent. Kuvuara manguo bien dani. Des autres comme la peine kuvuara kinene ni kinene. Des habits désordonnés. Des chemises fines. Mama, facilement y a teke sana. Les gens, les femmes apprécient cela. Banamuka wapenda kaya vile. Quand nous regardons cela, nous voyons dans cet habillement immoral. Ile mufariyo ya shipo heshima. Voyez, cet habillement immoral des femmes. Nous voyons les signes qui annoncent le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Ile kunatangaza kurudi kwa Bwana Yesu kwenye ukaribia. Vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Jésus-Christ est clair. Comme il avait fait avec les apôtres. Avec les 12 apôtres. Sur la destruction de Jérusalem. Il avait dit ouvertement. Et lorsque vous verrez une armée étrangère. Vous voyez. Lorsque vous verrez une armée étrangère. Investir Jérusalem. Vous voyez. Que celui. Qui était sur le toit de la maison. Descende. Et qu'il sorte de la ville. Que c'est lui qui était en dehors de la ville. Qu'il ne retourne pas dans la ville. Qu'il fuit dans les montagnes. Il n'a pas annoncé les jours et l'heure. Il leur a donné des signes qui pouvaient les permettre d'échapper à la destruction. Voyez bien mes frères. C'est pourquoi dans la destruction de Jérusalem, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun disciple qui avait été frappé. Il veillait. Quand ils ont vu l'armée de Titus, nous allons en parler. L'armée de Titus est venue, il a encerclé Jérusalem. Ils se sont regardés. Pierre a dit, Jean a dit, Thomas a dit, les signes que le Seigneur avait annoncés est là. Ils ont encerclé. Ils attendaient un mot d'ordre pour attaquer le Saint-Esprit à cause des élus qui étaient à Jérusalem. Le commandant de la ville, le commandant qui a cerclé la ville, le premier message, il dit, vous êtes rappelé, à Rome. Et les armées se retirent. Et quand les armées se retirent, Pierre regarde Jean, il regarde Thomas, il dit, partons, le temps est arrivé. Ils sont sortis sans faire de bruit. Mais pendant que l'armée retournait, c'est Dieu qui laissait la brèche pour que les ennemis sortent de Jérusalem. L'armée arrive en chemin. On lui dit non, il est membre de l'Imouïtia, Inaïcha. La mission pour laquelle on vous a appelé, on a déjà terminé. Retournez pour la terminé. Ils sont rentrés pour la deuxième fois, pour encercler Jérusalem. Il n'y avait aucun disciple de Jésus-Christ. C'est ce qui arrive aujourd'hui si vous dormez. Il est qu'on a les choses que nous vous parlons. Les choses pour lesquelles nous vous comprenez pas que vous devenez un signe. Au lieu de voir les signes chez les autres, pour être averti, toi tu te comportes comme une fille païenne qui n'est pas averti. Voyez bien mes frères. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes avertis. Nous avons beaucoup de signes. Bien mingi sana. Il y en a tellement beaucoup de signes. C'est vrai frère. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Dieu n'est la parce la parole de Dieu. Qui connaît tout le à qui la mangaribi. Chaque soir. Qui connaît tafsiri. Qui la neno la mungu. La parole de Dieu. D'une façon claire pour nous avertir. Dans d'autres églises, ils accomplissent une religion. Dini, Busubui, dimanche matin, Banenda, ils arrivent, ils s'habillent, ils racontent des histoires, et puis ils rentrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Nous nous sommes un autre peuple. Dieu nous a promis des signes. Malama. Il nous a pas promis de nous dévoiler les jours et l'heure de sa venue, mais il nous a promis de nous donner des signes. Ashikutulaki asema tufunulia siku na saa ya kuja kwake, lakini alitulaka asema atatufunulia maalama. Ndio. Nous sommes pas des ténèbres. Hakuna katika magiza. Pour que ces jours nous surprennent. Ile siku itu. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Wewe wote mko watoto ya nuru. Et les enfants du jour. Na watoto wa mchana. Nous sommes pas de la nuit. Hatuna watoto ba usiku. Ni ténèbres. Wala ba magiza. Ne dormons donc point. Tu tushilale basi. Comme les autres. Na wengine. Apana tushi la leni. Ne dormons plus. Tushi la leni. Ne dormons pas comme les autres. Tout caché. Veillons. C'est vrai, frère. Ya kweli ndoko. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. Nous devons veiller. Tunapaswa kukesha. Nous avons beaucoup de signes, frère. Tukuna maalama mingi ndoko yangu. Le progrès de la science. Maendeleo ya elimu est un grand signe pour nous. Ni alama moa munene sana kwetu. Dans toutes les époques. Moma nyakati yote. Il n'y a jamais eu une période. Akuya kuyaka kunyakati. Dans laquelle. Mule. La science a évolué. Marifa inaendelea zaidi. Comme dans cet état de la Odyssée. Sawa muiki zazi ya la Odikia. Vous savez que quand nous sommes réunis ici, muna les gens nous voient. Wakati hapa tunakusanyika, watu wako natuona. Savez-vous cela? Mnajua vile ya kwamba wanatuona. Ça n'a jamais existé. Aya kufanika kako. La science d'aujourd'hui Marifa est en train de te localiser. Iko mukimo ya kukuona. Partout où tu es. Basi yote unaenda wanakuona mbali kabisa. Ce qui manque à Satan aujourd'hui de faire, c'est seulement donner les soucis de vie. Il y a des robots qui sont inventés. Dernièrement, les Chinois ont inventé des robots. À cause de COVID-19, les robots eux-mêmes qui viennent prélever prélèvent la température. Les mêmes robots vont passer au labo. Ils vont prélever d'amour. Ils vont prélever ton sang. Ils vont prélever biote. Ils vont te prélever tous les échantillons pour lesquels on a besoin. On amène au labo. Résultat. Et les mêmes robots là viennent vous donner les résultats servir. Pour vous servir à manger. Ce n'est plus une personne qui va vous servir robot, à manger. C'est le robot qui vient. Te pose la question, c'est que tu veux. Tu écris tout ton besoin. Les robots vont chercher à te servir tout ce que tu as besoin. Vous venez te piquer une piqûre, c'est les robots qui viennent injecter les médicaments. Abia fanika kaka moi. Pour nous, pour nous qui attendons le retour du Seigneur, c'est un signe qui ne trompe pas. Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes à la fin de la science, à la fin de toute civilisation. Toute chose est arrivée à sa fin. Aujourd'hui, les découvertes et les inventions, n'en parlons pas. Banatunga bitu mingi bile aweza ta kusema. Pour nous, ce sont des signes. Kwetu sisi ni maalama. Qui nous montre que Jésus est à la porte. Ile natuonesha kwamba Yesu yuko pa mlango. La construction de maisons et de bâtiments. Hakuna, il n'y a pas d'époque. Hakuna où les gens construisent. Mule watu weko na yenga. Où les gens ont construit comme on construit aujourd'hui. Mule watu weko bali yenga sawa vile weko na yenga leo. Ina hapo. Mes frères. Unaona mtu kumbe. Aujourd'hui même c'est celui qui n'a pas l'argent. Leo hata ule ana na pesa. Il construit quand même ça bicoque. Anaweza kuyenga kwa kanyumba yake ataka ovyo. Frère. Ndoko. Les pensées des gens, mawazo ya bantu, toujours construit, ni paka tu bayenge. La perversion, waribifu, en toutes choses, mubitu n'en yote, parlons pas, tushiseme atakusema. La perversion, waribifu, est dans tous les domaines, upindu perversion yote, dans les églises, pindu perversion dans la politique, waribifu, perversion dans la médecine, mukinganga. C'est terrible, frère. Ni atari. Dans lequel il y a beaucoup de fausses choses. C'est dans cet âge. Pour nous, c'est un signe qui montre que Jésus est à la porte. Perversion. La plupart des femmes sont perverties. Les hommes pervertis. Les enfants pervertis. L'éducation pervertis. Connaissance, pervertis. Les églises, pervertis. Dans tous les domaines pervertis. Tous les domaines est corrompu. Dans cet âge, à cause de la méchanceté et de la perversion, on crée les maladies, on crée des maladies contagieuses et des virus pour tuer les gens. Frère, ce sont des signes, frère. Même le COVID-19 ici. C'est une maladie, c'est un virus qui est provoqué, qui est créé pour accomplir la parole de Dieu. Et nous, quand nous voyons cela, c'est un signe. Les maladies comme Ebola, même le Sida, ce sont des maladies créées. À cause de la méchanceté des gens. L'immoralité chez les femmes, n'en parlons même pas. Quand vous regardez aujourd'hui, la femme est adorée comme une déesse. À cause de son sexe. Vous voyez, c'est un signe pour nous. Les mœurs, n'en parlons pas. Les préparations de mœurs à haut niveau. Waribifu wabitendo vibaya ya mukimo ya juu. Ce sont des signes. Jésus n'a-t-il pas fait des reproches? Eti Yesu ashiku keme. Aux pharisiens, il leur dit. Wafarisayo na kuambia. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas discerner. Disons dans Matthieu chapitre 7. Frère, j'insiste sur ces choses parce que ça va beaucoup nous aider. Na weka mkazo pa hivi tujue tutasaidia sana. Hatuna batoto ba mungiza. Nous ne sommes plus les enfants de la mort. Tunaamini mujumbe ya wakati. Nous croyons les messages. Na iko netuangazia pa kila neno. Pa kila mambo. Nous éclaire sur tout événement. Kila événement iko nafika mudunia. Chaque événement qui arrive dans le monde. Na maana yayo ndani ya neno la Mungu. A son sens au sein de la parole de Dieu. Matthieu 16. Matayo sura 16. Dans son verset 3. Musari yake ya 3. Commençons verset 2. Jésus leur répondit. Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Nous devons discerner les signes des temps. Parce que nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Quand nous regardons à la manière dont les gens se préoccupent de la chair, pour nous, c'est un signe qui annonce que Jésus-Christ est à la porte. Regardez comment les gens font les chants aujourd'hui. Il ne faisait pas des chants qu'on les fait aujourd'hui. Ici à Kambov, quand quelqu'un faisait les chants, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui, Naba directeur, même les directeurs, Naba classe 4, même les classes 4, Nacheneva Mop, même nous les Mop, Naba Lofua, même les gens qui n'ont pas d'emploi, et les commerçants, nous tous au champ, toujours dans les champs. Nava pasteur, et les pasteurs, Nava diacre, et les diacres, Nava choriste, et les choristes, Nava laïque, et Nava membre, Bakanisa Mule, nous tous au champ. C'est un signe. Nayo, ni alama. Regardez, même quelqu'un qui n'a pas l'argent, il va toujours faire le commerce. Quand tout le monde n'a pas de 50 000, que 50 000 francs, ne fût-ce que 50 000 francs, il va acheter les mangues, il vendait. Il faut que les écritures, à Dabumba, foyou, à Kosema, il ne découvre que ça, c'est une écriture qui s'accomplit. Il va étaler toute la journée, il est là, elle est là, vendant les mangues. Où tu as pas 30 000 arrête d'abord de griller les maniocs qu'on aille à l'école. Attendez, il faut que je grille. Si je ne grille pas des maniocs, les enfants n'auront pas à manger. C'est l'accomplissement de la parole. Regardez même les jeunes filles. Quand il y a un homme qui dépasse l'âge sans être épousé, il n'a plus de la foi. Nous sommes dans une période où les gens se marient leurs filles. Dans la famille, les papas. C'est un problème. On n'épouse pas leurs filles, ça devient un problème. Ce sont des signes, frère. Oui, bien aimé frère. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Parce que la parole est là. Kwani neno la Mungu iko hapa. Hivi bintu mwemu kunaona sema ni kiloko. Ni bintu binene sana. Ce sont des grandes choses. Mbele ya bateule. Devant les élus. Parce que Job une fois qu'on est pas calamouche. Voilà, parce que ce sont des choses qui les avertissent. Ouais, bien mes frères. Nous n'avons tout compris. Je voulais quelque chose avant de m'arrêter. Écoutez ce que frère Banam dit. Dans les instructions de Gabriel à Daniel. Magizo ya Gabriel Danieli. Page 21-22. Je vais terminer avec ça comme le temps. Nous allons continuer. Au paragraphe 89. Allez jusqu'au paragraphe 92. Oh Dieu, suivez très bien. Oh Mungu, mufate mzuri. Oh Dieu. Oh Mungu. S'il y a un temps où nous aussi. Kama kuku wako wakati mule na sisi. Nous devrions nous mettre en prière. Tunapashi kujitoa maombi. C'est bien maintenant. Ni hapa sasa. Car. Kwani. Nous sommes son vrai serviteur. Tuko mtumishi wake wa kweli. Car. Kwani. Nous qui sommes son vrai serviteur, nous pouvons voir par les lettres de l'apôtre, de l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit qui nous met en garde que nous sommes au dernier jour. Le Saint-Esprit le dit. Dans les derniers jours, les hommes seront emportés en flèche d'orgueil. Vous voyez, ce sont des signes. Aimant le plaisir plus que Dieu. Des loyaux. Calomniateurs. Intempérants. Ennemis des gens de bien. C'est ce que je comprends par la parole. Je comprends aussi qu'il y aura des moqueurs au dernier jour. Je comprends qu'une nation se lèvera contre une autre nation. Au dernier jour, je comprends qu'il y aura des raz-marées. Au dernier raz-marées. Marasmare. Voyez. Munaona. Les typhons qui s'élèvent sur la mer. Mampepo na lamuka babari. Voyez. Munaona. Au dernier jour. Wakati ya mwisho. Je comprends. Naelewa. Qu'il y aura des choses. Takwa bitu. Qui feront peur à voir. Comme des soucoupes volantes dans le ciel. Les soucoupes volantes. Les soucoupes volantes. J'ai déjà répondu à une question. Les soucoupes volantes. Mine chaque jour. Sont les anges enquêteurs. Nima ba malaika ba kupeleleza. Les soucoupes volantes. Ma soucoupe volante. Sont des anges enquêteurs. Ba malaika ba kupeleleza. Ba kupeleleza ba kwa baone. Kama kikombe ya Nzambi inesha kuyala juu ya ichome. Si la coupe du péché comble pour qu'il vienne briller. Vous voyez. Unaona? Dans le ciel. Mumbingo. Et des choses mystérieuses. Et que la peur fera défaillir le cœur des hommes. Na boka wa Boka utatetemesha mioyo ya watu. Voyez aujourd'hui, leo, tout le monde sous la peur. Bantu wote wako mboka. Même ici chez nous. Hata huko kwetu. La politique congolaise. Siasa ya kikongomani. Fait peur. Iko na tetemesha bantu. Hakuna kitu kiashiri mpolitiki ya Congo. Inyari yonde sur dans la politique. Il est aussi que tu fikia kesho. Nous savons pas ce qui peut nous arriver là. Mais aucun politicien. Hakuna mwenye fanya siasa de la politique. Ana na hakikisha ya siasa ya kikongomani. Il n'y a rien. Même l'économie congolaise. Il n'y a rien. Ya kikongomani aina kotena. Amuna kia kikisho. Tout le monde sous la peur. Bantu bote beko chini ya boka. Vous voyez. Unaona. Ce sont des signes. Ni maalama. Ça sera un temps. Itakuwa ni wakati. Où on saura que faire. Mula tutajua kia kufanya. Les gens seront dans l'angoisse. Bantu batakuwa katika uoga. J'ai lu qu'ils se rassembleront. Bate ule vale batakusanika. Non, non, j'ai lu. Ah, ni kuna. J'ai lu dans la parole. Ni kuna soma. Qu'ils se rassembleront dans des organisations, dans des dénominations, et qu'ils formeront une confédération Mungano, au dernier jour. Mungano c'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Je comprends naelewa. Que les femmes se couperont les cheveux au dernier jour. Manuele, masiko wa mwisho. Je comprends naelewa tena. Qu'elles s'habilleront. Ça n'ira en cours, mambo mfupi. Et avec des hauts talons. Na ma haut talon. Qu'elles feront résonner en marchant. Batanza kuiririsha mukutembea. Au dernier jour. Mwakati ya mwisho. Je comprends. Naelewa tena. Que les mères ya kwamba seront très relâchées. Shima. Au dernier jour. Itawala mwakati ya mwisho. Que les prédicateurs seront des faux bergers au dernier jour, qu'ils feront des compromis au lieu de nourrir les gens avec la parole de Dieu, ils se tourneront vers les femmes et tout ce sont des choses. Je comprends aussi qu'une voix se fera entendre au dernier jour, qu'elle criera dans les déserts et qu'elle appellera les gens à revenir au message originel. À revenir au jour de Dieu. Je comprends cela par la Bible. Que toutes ces choses vont avoir lieu. Je comprends que dans les derniers jours, il y aura la famine. Je comprends que les églises seront tellement organisées. Tellement arrêtées en tout. Il y aura la famine dans les derniers jours. Ce ne sera pas seulement la famine de pain et de l'eau. Haitakuwa paka njala ya mkate na maji. Mais ça sera itakuwa d'entendre la vraie parole de Dieu. Njala ya kusikia neno la Mungu la kweli. Watu watakaoenda huko na kule. Au nord du sud. Ukasigazina na kusikia la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Utakusikia neno la Mungu la kweli. Unaona? Je comprends cela. Naelewa ile. Par l'écriture. Kupitia andiko. Et je comprends aussi. Naelewa tena. Que Dieu enverra Élie. Kwamba Mungu atatuma Elia. Avant que ce jour-là n'arrive. Ile siku kufika. Au jour, au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Il y aura un message. Itakuwa ujumbe mmoja. Qui ramènera les cœurs des enfants au père. Ile tarudisha mioyo ya watoto kwa baba. Qui ramènera l'original. Itawarudisha kumwanzo. Qui le fera retourner au commencement. Itawarudisha kumwanzo. Je comprends que cela se reproduira. Naelewa ya kwamba itafanyika. Juste avant que l'Esprit, bele yaro, avant que le Saint-Esprit ne quitte l'Église des Nations pour se tourner vers, pour se tourner de nouveau vers l'Égypte. Nous avons beaucoup de signes. Donc l'Église n'est pas dans les ténèbres. Si vous dormez, c'est ton problème. Les jours elle na wakati na saa haitajulikana kamwe. Mais les signes, lakini maalama, les avons. Oh, tuko nayo. Les absences à l'église sont des signes. Ulofa kanisa nayo ni alama. Voyez. Unaona. Fuir la prière. Ukimbia maombi nayo ni alama. La méchanceté. Ukaidi. Ainsi. Ni alama. Vous voyez bien mes frères. Unaona ntuko mpendwa. Les faux ministères qui s'élèvent. Mautumishi ya bongo ile talamuka. C'est toujours des faux signes. Des signes. Ni maalama. Nous avons beaucoup de signes. Tuko na maalama mingi. Mais l'épouse lui. Lakini bibi harusi yeye. Elle est connectée. Anesha unganishwa. À l'esprit de Christ. Na roho ya Kristo. Pour voir dans chaque signe. Ya kuona mu kila alama. Un signe avertisseur, alama ya kukalamusha, un signe annonciateur, alama ya kutangaza, du retour du Seigneur Jésus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons. Voyez bien mes frères, vous n'avez plus droit de dormir. Amuna tena na rusa ya kulala. Vous vivez dans le péché comme tu veux. Muzambi vile unapenda. Oh, le retour du Seigneur. Oh, kurudi kwa Bwana. L'enlèvement vous surprendra. Unanyuliwa kutakustusha. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Lorsque Daniel, wakati ile Danieli, a compris par les livres, alielewa kupitia kitabu, qu'il lui restait peu de temps, ya kwamba kulumbakia muda mfupi, le réveil est né dans son cœur. Wamsho liamuka ndani ya moyo wake. Il commença à rechercher la face de l'Éternel. Akaanza kutafutisha uso ya Bwana. Mais quand toi tu vois tout ces signes, sasa wakati wewe unaona hii maalama yote, qu'est-ce que cela produit dans ton cœur? Inatoa nini mu moyo wako? Vous trouvez cela normal? Unaiona tu sema ni ya kawaida. Ndio bantu wote wanekala. C'est comme ça que tout le monde a tu. Bantu wote ba Mungu abekala ke vile hata bapagana abekala ke vile bantu. Ne se conduisent pas comme tout le monde se conduit. Aujourd'hui, ce sont des démons qui marchent. Mais on veillons. Parce que le Fils de l'homme est à la porte. Lèvons-nous pour la prière. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Ce n'est plus le temps de dormir. L'essence de ce message. C'est de veiller ton esprit. On est le malama yotamba Bible. Tu tombes.